On me dit souvent que je suis insoumis. Mais si tu rates bien, on est tous des soumis. D'autres pas l'alcool, d'autres pas les femmes, d'autres pas cette vie. Tout au long de la journée, on se soumet à des choses. Certains le savent, certains ne s'en rendent pas compte. Mais l'être humain aime être soumis en quelque sorte. Nos plaisirs sont nos priorités, sont nos bien-être. On vit par des rêves, mais en réalité, ce sont des parures de nos paraîtres. Dira-t-on que je suis bizarre quand je me prosterne par terre? Mais qui détient en vérité le jugement, à part celui qui a créé l'univers? Laisserait une honte de se prosterner devant un Seigneur Tout-Puissant? Doit-on être soumis à un être humain qui n'est même pas capable de gérer son temps? En vérité, cette société nous apprend à être soumis et définissent eux-mêmes la définition de la femme soumise. Dira-t-on qui est libre dans cette vie? La preuve, on est obligé de dormir, on est soumis par le sommeil. Vous êtes soumis par un Seigneur que par des choses matérielles. Ils veulent être indépendants, mais je me demande qui les a créés. Une créature qui n'a pas de créateur, est-ce raisonnable ou pouvez-vous m'expliquer? Il y en a qui vont jusqu'à être soumis par leur patron, pensant que c'est leur travail qui leur amène un peu d'argent. Mais je me demande qui leur donne la force de se réveiller chaque matin et de travailler à part un Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est vrai, je suis insoumis et je suis fier de l'être. Alhamdulillah, je suis soumis à Allah, au créateur de l'univers. Il n'y a rien de plus beau que d'être soumis par son créateur. Donc n'aie pas peur d'être soumis, reviens vers ton Seigneur. Prosterne-toi, humilie-toi devant lui, sois reconnaissant. Sans lui, tu ne seras rien dans cette vie, donc fais un pas en avant. Détache-toi de ce monde matérialiste qui t'apprend à être soumis par des choses qui sont vouées à disparaître. Donc soumets-toi au vivant qui ne meurt jamais, le Seigneur du trône sublime qui possède les qualités les plus parfaites. Oh Allah, je suis soumis à toi. Oh Allah, ma vie et ma mort n'appartiennent qu'à toi. Inch'Allah, bientôt, je reviendrai vers toi.